Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Et donc voici d'abord les principales articulations. La Commission de l'Union européenne, la France et le département d'État américain se sont prononcés sur l'assassinat dans la nuit de samedi à dimanche du ministre burundais de l'Environnement. Ils demandent que les auteurs du crime soient connus. Le président burundais promet de renouveler le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation qui touche à sa fin sans avoir fait grand-chose. Il reconnaît aussi le manque de moyens financiers pour la Commission. Le ministre burundais de la Santé publique renseigne qu'il y a du matériel suffisant pour prendre en charge les malades de choléra. C'est au moment où 31 cas sont déjà déclarés dans le district sanitaire, de Chibitoke, au nord-ouest du pays. Les cours de renforcement sont temporairement suspendus dans les établissements scolaires. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge et la direction du bureau d'études et des programmes de l'enseignement post-fondamental se rejettent la responsabilité dans le remplacement des 133 enseignants sur les 227 qui étaient prévus pour aller prester dans les premières années post-fondamentales. Certains de ces remplaçants sont des non-enseignants. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le département d'État des États-Unis, la France et la Commission de l'Union africaine condamnent l'assassinat ce dimanche du ministre de l'Environnement, Emmanuel Niyonguru. Dans leur communiqué, tous présentent leurs condoléances à l'État burundais et demandent que les auteurs de crimes soient vite identifiés et traduits en justice. Joseph Nsabiyabandi revient sur le contenu du communiqué de la Commission de l'Union africaine. Dans le communiqué sorti le 2 janvier courant, la présidente de la Commission de l'Union africaine condamne l'assassinat du ministre burundais de l'Environnement Emmanuel Niyonguru ainsi que tous les autres assassinats ciblés et actes de violence dans le pays. Dr Nkosazana Dlamini Zuma appelle au lancement d'une enquête indépendante et crédible pour faire la lumière sur ces crimes et traduire leurs auteurs en justice. La présidente exhorte les autorités burundaises à rechercher les voies et moyens pacifiques pour arrêter cette spirale de violence. Dans le même communiqué, la présidente de la Commission réitère la position de l'Union africaine qui reste convaincue que seul le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes burundaises et un consensus fondé sur le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la constitution du pays pourront permettre au Burundi de retrouver la paix, la sécurité et la stabilité. Joseph Nsabiyabandi, le président de la République, promet de renouveler le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation jusqu'à ce qu'elle termine sa mission. Pierre Nkurunziza l'a dit vendredi dernier lors d'une conférence publique qu'il a tenue au chef-lieu de la province de Rutana. Il répondait aux inquiétudes de certaines personnes sur le mandat de cette commission qui touche à sa fin alors qu'elle n'a pas encore fait grand-chose. Pour le numéro 1 burundais, le problème majeur est celui lié au manque de moyens financiers. Suivez-le, il est traduit en français par Joseph Nsabiyabandi. Nous aimerions vous rassurer que ce programme est un programme des Burundais et non pas des étrangers. Nous ne sommes pas pressés. Si nous rencontrons des problèmes, nous savons comment les résoudre. Quant aux membres de la commission qui ont démissionné, nous allons les remplacer en respectant la loi. L'Assemblée nationale est à pied d'œuvre pour le faire. Pour ce qui est des moyens qui font défaut, au début nous attendions des appuis, mais ils ne sont jamais venus. Nous utilisons nos propres moyens, sans doute nous allons y arriver. Je ne sais pas combien de temps ça durera, 5 ans, 6, 7, 8 ou 10 ans. Nous persévérerons car le travail de la commission nous appartient. Donc, nous ne pouvons pas nous décourager que le mandat de la commission est presque terminé. Nous allons le renouveler. La commission va continuer jusqu'à ce qu'elle ait terminé son travail. La vérité est la nôtre. La réconciliation appartient aux Burundais. Je suis sûr que la commission arrivera à de bons résultats et ce sera un honneur pour notre pays et servira d'exemple pour les autres. En page santé, 31 cas de choléra sont déjà connus dans le district sanitaire de Chibitoke. Cela est dit par Tadendi Kumana, porte-parole du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Il informe que le matériel est suffisant pour prendre en charge ces malades et invite également la population à observer les règles d'hygiène. Suivez Tadendi Kumana, joint au téléphone par Ali Dandaikeza. Nous avons observé de nouveaux cas de choléra dans le district sanitaire de Chibitoke. Précisément dans la commune Rugombo, sur les collines de Marambo, Munika et Gabiro. Nous avons déjà accueilli 31 patients. 11 patients ont été traités gratuitement, maintenant ils sont rentrés à la maison. Il reste 20 qui sont hospitalisés à l'hôpital. Il n'y a pas eu de décès. Nous intéressons la population à faire sienne des mesures d'hygiène, éviter de manger l'excédité sans que les deniers soient bien lavés. Nous tranquillisons aussi la population de Chibitoke que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris des mesures pour pouvoir accueillir les malades et les traiter gratuitement. La Croix-Rouge et la Régie des Hommes, nous travaillons ensemble pour permettre à la population des collines concernées d'avoir de l'eau potable. Comme vous le savez, le choléra, c'est une des maladies à potentiel épidémique. La plaine de Limbo, c'est le réservoir naturel des vibrio choléra. Nous interpellons la population à toujours veiller à la propreté. Et aussi actuellement, les ménages dans lesquels nous avons repéré les cas de choléra sont désinfectés systématiquement. Le prix du sucre varie entre 3 000 et 3 500 francs burundais le kilo malgré la récente mesure du gouvernement de le mettre à 2 200 francs burundais. Dans différents quartiers de la capitale Bujumbura comme Nyakabiga et Bwiza, c'est dans la commune Mukaza, les détaillants expliquent qu'ils ne trouvent pas ce produit dans chez leurs fournisseurs et procèdent à la vente sur cuillère. Côté acheteur, ils demandent que le sucre soit disponible sur le prix fixé par l'Asosumo. Les détails avec Christella Nizigam. Là où la radio Isanganiro est passée dans les boutiques du quartier Nyakabiga, 3e et 2e avenue, le prix du sucre varie entre 3 000 et 3 500 francs bou. Les détaillants font savoir que, suite à la pénurie du sucre chez les grossistes, ils préfèrent acheter 3 000 francs bou par kilo et procèdent à la vente par cuillère, soit 100 francs bou, pour faire écouler d'autres articles comme le pain. Même cloche de son au quartier Bgiza, certains détaillants n'ont pas de sucre, d'autres indiquent qu'ils préfèrent acheter 3 kilos pour ensuite vendre par cuillère. Et du côté des acheteurs, cette femme indique qu'elle a acheté le sucre par cuillère et fait savoir que le favoritisme fait parler de lui chez certains vendeurs. Je venais chercher du sucre pour les enfants. J'ai circulé partout, mes enfants. Là où je l'ai trouvé, il est vendu à 3 000 francs burundais, mais certains le vendent en cachette et à ce même prix, mais pas officiellement. Et d'autres vendeurs préfèrent donner ce sucre à quelqu'un qu'ils connaissent toujours à 3 000 francs bou. Par ailleurs, on paie 100 francs par cuillère et cela ne suffit pas pour une tasse. Puisque le directeur général de la SOSUME a déclaré que les stocks sont pleins de sucre, nous demandons que ce sucre soit distribué convenablement pour que toute la population ait accès à celui-ci. Que ce soit du côté des vendeurs et des acheteurs, ils demandent que ce sucre soit disponible sur le prix fixé par la société SOSUME. La radio de l'avenir. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de suspendre temporairement les cours de renforcement dans les écoles. Le porte-parole de son ministère, Juma Edouard, indique que la décision est en rapport avec la perception illégale des frais opérés par certains directeurs d'établissements. Suivez les propos recueillis par Didier Nyonzima. Ces cours de renforcement, il s'agit d'activités pédagogiques complémentaires et qui doivent être fondées sur les besoins des élèves. Si le ministère est allé jusque à suspendre ces activités, c'est qu'il y a des dérives qui sont observables, des dérives qui ont fini par interpeller même le gouvernement. Un certain nombre d'indices montrent bien que ce qui s'est fait, et parfois à des coûts exorbitants, ne se fait pas toujours pour des mobiles pédagogiques, mais pour d'autres intérêts. Une commission qui a été mise en place, qui est d'ailleurs aujourd'hui en train de travailler, pour réguler cette question. Quand tout un établissement doit suivre les cours de renforcement, au lieu que ça soit une classe ou quelques élèves, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on identifie réellement ce problème qui fait que la grille horaire normale ne permet plus aux enfants d'étudier comme normal. Il y a des conflits qui ont été rapportés entre direction et enseignants, des conflits liés justement à la perception de ces frais. Et dans certains établissements, ils sont allés à faire en sorte que, pour fixer les tarifs, ils tiennent compte de tout le personnel, y compris le personnel d'appui, les plantons, tout le monde doit avoir quelque chose là-dessus. Donc, on peut se questionner maintenant, est-ce que le mobile est vraiment pédagogique ou plutôt pécuniaire ? Un numéro vert a été ouvert par le ministère de l'Éducation nationale dans le but de dénoncer les actes de corruption. C'est le 22 22 50 36. 133 enseignants sur les 227 qui étaient sur la liste de ceux qui allaient prester dans les premières écoles post-fondamentales en commune et province de Lomongue ont été remplacés par d'autres non-enseignants pour la formation qui a eu lieu au mois d'août dernier. Ce qui les a empêchés d'appliquer la pédagogie d'intégration au cours du premier trimestre en cours. La direction provinciale de l'enseignement et la direction du bureau d'études et des programmes de l'enseignement post-fondamental se rejettent la responsabilité dans la modification des listes. Les précisions de Jean-Pierre Misago depuis Lomongue. La non-participation à la formation prépara les enseignants à s'imprégner des principes fondamentaux de la pédagogie d'intégration. Tel a été le principal problème évoqué par les enseignants des premières années post-fondamentales de la commune Lomongue, un problème qui a été à l'origine de la non-application effective de cette pédagogie lors du premier trimestre. Lors de la journée pédagogique qui leur était organisée ce mardi au lycée urbain de Lomongue pour évaluer le premier palier de l'année scolaire en cours, 133 enseignants n'avaient pas été préalablement formés en août 2016, et se perdait complètement face aux principes et concepts de la pédagogie d'intégration. Pourtant, il compte parmi les 227 enseignants formés en août dernier en commune Lomongue pour prester dans ces années. Selon certains d'entre eux interrogés, ils ont été remplacés par des directeurs d'école, des préfets des études, des enseignants, des secrétaires de direction et des bibliothécaires qui ne prestait pas dans ces années. Le directeur provincial de l'enseignement de Lomongue reconnaît que près de la moitié des enseignants des premières années post-fondamentales de la commune de Lomongue n'ont pas été préalablement formés. Selon lui, les listes du bureau d'études et des programmes de l'enseignement post-fondamental ont été utilisées. Joël Gachaka, directeur du BPF, s'en défend. Selon lui, un recensement que ce bureau a organisé dans les écoles secondaires a guidé la confection des listes des participants à la formation d'août dernier, des listes qui ont été dans la suite modifiées par les directeurs communaux de l'enseignement lors de leur approbation. Ces derniers devraient donc, selon Gachaka, accepter d'endosser la responsabilité de toutes les conséquences qui en découleront. Jean-Pierre Misago de Lomongue, Radio Isanganiro. L'école fondamentale Kanura de Gihanga en province de Ouvanza connaît beaucoup de difficultés liées au manque d'enseignants, de matériel spécialisé et de rations alimentaires suffisantes. Le directeur de l'école reconnaît toutefois les efforts fournis par l'église anglicane et le ministère ayant en charge la solidarité nationale dans son volet intégration sociale. Le point avec Spes Caritas Kabanyan. Cette école fondamentale Kanura de Gihanga compte aujourd'hui 119 élèves, dont 58 aveugles. Comme le problème est connu, même dans d'autres écoles de cette province de Ouanza, le manque d'enseignants, surtout ceux qui maîtrisent le braille, est un handicap majeur, comme le précise le directeur de cette école. Ernest Niragira, directeur de cette école, indique également que le matériel spécialisé manque cruellement. Ce sont par exemple les machines, les livres écrits en braille, le papier pour l'écriture des AVEC et autres. Même si le ministère de la Solidarité intervient dans son volet intégration sociale à travers des vivres distribués par l'OPAM, le directeur Ernest Nilagira précise que la ration reste insuffisante et déplore la faible implication des parents, précisant qu'au départ, c'était un centre pour les aveugles qui avait été mis en place par l'église Emmanuel en 1989 et un peu plus tard, en 1911, le centre est devenu une école agréée et relève aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale. C'est Caritas Kavanyana Ubanza, Radio Isanganiro. Le manque de matériel sur les écoles adaptées aux aveugles ainsi que la coutume qui met en quarantaine ces handicapés sont certaines des difficultés rencontrées par cette catégorie de personnes. C'est ce que dit le représentant de l'Association pour la réintégration sociale des aveugles au Burundi. Daniel Nhilanyimagila l'a déclaré ce mercredi à l'occasion de la journée mondiale du Braille. Il demande au gouvernement de s'investir dans l'alphabétisation des handicapés. Le point avec Alain Désiré Oukayenese. Dans les années dernières, dans une famille... Daniel Nhilanyibagira est l'un des aveugles. Il a parvenu d'étudier. Originaire de la commune Matongo, province Kayanza, il a fréquenté l'école des aveugles de Gihanga en province Bubanza. Il a par la suite suivi une formation sur l'écriture braille et en informatique adaptée aux aveugles en France. Il dirige pour le moment l'école Espoir de l'Avenir adaptée aux aveugles en commune Matongo, province Kayanza. Parmi les difficultés rencontrées par les aveugles et les écoles adaptées à ces handicapés, Daniel Nhianyibagira, représentant de l'Association pour la réintégration sociale des aveugles au Burundi, évoque le manque de matériel adapté aux aveugles. Il indique que la coutume, elle aussi, constitue un frein aux aveugles de se développer comme les autres. Dans les années dernières, dans une famille, on d'enfants handicapés visuels, on les considère comme cet enfant est un vaurien. La situation des personnes ayant la déficience visuelle aujourd'hui, et c'est pas facile, surtout au niveau de l'éducation. Les enfants non voyants ne bénéficient pas totalement de l'éducation puisqu'ils se rencontrent des problèmes, à savoir manque de matériel didactique adapté. Daniel Nhianyibagira demande au gouvernement de s'investir pour développer les écoles adaptées aux aveugles. Je demandais au gouvernement de bien vouloir continuer à aider les personnes non voyantes à travers l'éducation. Je lance également l'appel aux bailleurs de fonds qu'ils continuent à appuyer les projets visant à l'éducation des personnes handicapées visuelles. Les écoles adaptées aux aveugles sont celles de Gihanga en province Bubanza, l'autre de Matongo en province Kayanza et enfin celle de Gitega. Merci Alain. La SOA Burundi, antenne Bujumbura, dément les propos du président de l'association des malades, des membres de cette organisation, des propos tenus ce lundi faisant état d'une certaine opacité dans la gestion de la caisse sociale. Dafros Gakobga, chargé du service social à la SOA Burundi, dit ne pas comprendre l'attitude de ce responsable de la dite association, de surcroît non signataire sur le compte. Une somme d'argent dont le montant n'est pas connu, ainsi que les marchandises, ont été volées cette nuit par un groupe de bandits dans le quartier Nyabugete de la zone Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Ferdinand Nahabandi, chef de quartier, fait savoir que ce vol a été commis dans deux ménages où ce groupe a utilisé de grosses pierres. Ces voleurs ont aussi blessé une personne et une fille d'environ 13 ans a été violée. Le chef de quartier lance un appel à la population à veiller pour leur sécurité. Et puis, certaines personnes de la commune Kabezi en province de Bujumbura se plaignent des vols perpétrés contre leurs plaques solaires. 36 plaques ont été volées au cours des trois derniers mois de l'année 2016, chiffre donné par certains chefs collinaires. La population demande aux forces de l'ordre d'intervenir à temps car ces forces arrivent au moment où elles ne peuvent plus rien sauver. La commune Kabezi est l'une de la province Bujumbura qui n'a pas d'électricité de la régie des eaux. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Noyau pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho. Yeah.